21h30 à la pendule de Radio Béton, c'est l'heure d'attaquer l'spé française dans l'émission de ce soir. Une spé française pas très longue, mais il y a toujours bien sûr plein de qualités à s'y écouter. Tout d'abord, Karas, ce groupe avec des icos qui viennent de très très loin par rapport à ce qu'ils jouent dans cette formation-là. Puisqu'on est sur un groupe de Death Grind, un peu Krusty Power Violence. Et en fait, dedans, on retrouve un membre de Massisteria, l'ancien batteur de Acme, et bassiste vocaliste, bon, qui pour le coup était dans un groupe un peu plus vénère. Ils sortent là leur second album studio, We Poison the Young. Pour le coup, on est sur du Death Grind de très très grande qualité. À peine 22 minutes pour 14 titres, on est sur du grind pure souche. Lutheran Blade enchaîné à My Aim is Violence. Et en doublette, on change radicalement de style et d'ambiance avec le black metal médiéval de Son of Fur. Quatrième effort studio qui s'intitule Nous sommes d'hier. Il est sorti il y a une paire de semaines maintenant. Et on s'écoutera le morceau Céron. C'est parti. Carré. Rise! Leave something around! 21h40 à la pendule de Radio Béton avant de continuer l'aspect française de ce soir. Petit retour sur la très chic soirée d'hier organisée par Ayokan Foundation qui est une succursale, si l'on peut dire, de Hop Garden Corp qui est entre autres organisateur du Jurassic Fest qui a lieu du côté du Grand Précigny depuis quelques années, festival pluridisciplinaire culturel qui a eu lieu depuis quelques années, malheureusement comme beaucoup d'autres événements de ce style là suite à d'importantes pertes financières l'orga a eu un petit peu de mal à se relever, donc voilà, ils font des dates en salle en dehors de ce gros festival. Et du coup hier soir, au 37e parallèle, il nous avait concocté une gentille petite soirée death metal. Oui, petite soirée death metal, plus précisément death metal local, parce que c'était une affiche en grande majorité locale. Moi, je suis arrivé un peu plus tard, mais toi, tu as eu le temps de voir le premier groupe, Slave One. Voilà, Slave One qu'on avait diffusé, donc qui nous vient de Montargis. On est sur du death tech avec une grosse ambiance blackened derrière. Un batteur Seb absolument monstrueux, enfin il en chie sur ses parties, mais putain qu'est-ce que c'est efficace. On retrouvait l'ami Tarvos au micro qui a rejoint la formation il y a assez peu de temps. Tarvos que l'on a découvert en Touraine à l'époque de Brenkelt. La scène de Montargis c'est très consanguine, hein, comme ils nous l'ont reconfié hier. Ils sont une dizaine de zikos pour 20 formations. Parce que pas loin, on a forcément les mecs de Savage Annihilation qui sont les mêmes que Defecal of Gerb, etc. etc. Des types absolument adorables et voilà, qui proposaient un Technical Death Blackened très très bon. Et ça fait grand plaisir de recroiser l'équipe de Dolorem Records, puisque pour le coup, Slave One est signé sur le label de Dolorem. Donc voilà, une ouverture de soirée bien brutal, et à noter une affluence importante d'entrée de jeu. Ouais, complètement. Moi, je me suis fait un peu surprendre parce que je suis arrivé donc à la fin de Slave One, j'ai pas pu les voir et le parking était blindé. J'ai peiné à me stationner également. du monde. Moi, je découvrais le lieu est vraiment chouette. Allez y faire un tour à l'occasion. Date extrême, pas date extrême, mais allez faire un tour dès qu'il y a des trucs qui se passent là-bas, parce que c'est un vrai lieu d'accueil culturel dans sa globalité. Et voilà, moi j'ai été surpris du lieu, parce qu'il y a l'espace extérieur, il y a une scène. Tu me disais, il y a un second espace qui peut servir aussi. Il y a différentes configurations envisageables. Voilà, pour ceux qui ont vu le Winter Rip de décembre 2022. Là, c'était dans une annexe, hein, c'est dans le même bâtiment, c'est juste une autre salle, un peu plus petite. Mais voilà, qui était absolument parfaite pour la configuration d'hier soir, où la température est montée crescendo tout au long de la soirée. C'est peut-être le petit reproche qu'on peut faire hier soir, c'est la température. Pour nous, le public, c'était quelque chose. Pour les artistes, semble-t-il que ça a été la sueur pour les gens sur scène. Peut-être petit manque d'aération, effectivement. Voilà. Suite de la soirée avec les Scumbags, qui ont fait leur boulot qu'il fallait sur scène. C'était vraiment, vraiment cool. Pas grand-chose à leur reprocher. Ça continue, mais ça s'est solidifié. C'est carré sur scène. Ça reste des potes qui jouent ensemble. On le sent, ils sont là pour s'amuser tous ensemble. Mais ils ont fait un bon boulot, ils ont foutu le bordel assez rapidement, le public s'est bougé le cul et ça a fracassé un peu devant la scène, donc c'était bien bien cool, les Scum ont bien bossé. Je suis séduit. Je vais faire écho un peu au propos du chanteur qui s'est voulu un peu Émile de Beyond the Sticks. Voilà, j'ai vraiment la casquette Beyond. Voilà, une grosse pensée pour toi, mon petit Émile. Parce que tu as raison sur ce discours-là. Et moi, ça me semblait vraiment important de le relancer hier. Sur le fait qu'en fait, on a pris le temps de faire une analyse sociale du public. Donc on avait du quadra, du quinca, du trentenaire comme nous, sexy et vaillant, et enfin un rajeunissement notable du public, ce qu'on avait des jeunes étudiants d'une vingtaine d'années qui étaient présents, actifs et réactifs, complètement, des encore plus jeunes, grande envie m'en a pris de dire mais putain, qu'est-ce que vous attendez pour vous procurer des instruments et former des groupes. La dynamique métal extrême Tourangelle se meurt à petit feu, parce que hier effectivement on avait trois groupes de tours sur scène et tous les icos ont passé les 30 balais dans ces formations là et derrière il y a rien. Voilà, aucun groupe de tours n'a des icos de moins de 30 ans à l'heure actuelle. C'est triste, c'est dommageable. Procurez-vous des instrus, je vous parle même pas d'en acheter, procurez-vous-en. Surtout n'apprenez pas à en jouer, faites ça à l'instinct, ça viendra dans un second temps, l'envie de vraiment apprendre. Et formez des groupes, faites du bruit dans votre garage, dans le garage du voisin. Si vous avez les moyens, allez dans des studios de répète dignes de ce nom. Faites du bruit, sortez, jouez dans les bars, jouez dans les salles. Et puis faites-vous plaisir, faites-nous plaisir, quoi, parce que c'est vraiment désastreux. La messe est dite. Voilà, après les Scum, on avait une autre donc formation Tourangelle. Ben, nos amis de Ao, Aro, Aura, qui m'ont séduit. Sur scène, non pas musicalement, c'est pas du tout ma cam, mais en termes de prestations scéniques, c'est monstrueux. Techniquement, c'est tous des monstres dans le groupe. Ils ont encore une fois confirmé vraiment leur statut, je trouve, sur la scène, leur légitimité, entre guillemets, sur la scène, parce qu'ils tiennent le pavé de ouf, ils sont actifs sur la scène, tout le monde a sa place, c'est carré de ouf. Mais c'est carré, mais ça garde vraiment un contact avec le public. Il y a contact visuel, il y a du dialogue avec le public, ça joue de ouf, bluffé par leur capacité à tenir la scène. C'est un groupe qui est professionnel sur scène et ça fait vraiment plaisir parce que, encore une fois, là, c'est pas ma cam musicalement, ça me parle pas plus que ça, mais force est de constater qu'ils déconnent pas dans ce qu'ils font et c'est complètement louable. Ouais, on se fait complètement emmener par leur presta scénique. Et voilà, si vous aimez les enfants illégitimes de Gojira et Meshuga, foncez les découvrir sur scène ou sur CD. D'ailleurs, la galette est prévue pour courant 2024, donc voilà, on ne manquera pas de la diffuser. Troisième groupe local sponsorisé par Dyson, Dragvald. Ouais, Dragvald. Bah, qui a peiné à me convaincre. On va dire les mots. Dragvald, la mayonnaise prend pas. Il y a quelque chose qui marchait pas. Je sais pas si c'est entre les membres du groupe ou quoi, mais il y a quelque chose qui marchait pas dans leur musique. Ça m'a pas convaincu avec toute la sympathie que j'ai pour les membres du groupe qui sont pour certains des amis. Là, ça a pas fonctionné hier soir. Il y a quelque chose qui... Ouais, à l'opposé d'un AO où c'est fluide entre Zikos, on a vraiment l'impression que là, chacun jouait de son côté, pas d'impact, à se demander s'il y avait même de l'envie de participer, manque d'engouement, d'enthousiasme à notre sens. Après la déferlante AO, c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment que c'était rebaissé au niveau du soufflet de la cornemuse. Oui, tout à fait. Padoum. C'est rigolo. Voilà, donc on va pas s'épancher plus sur Dragval qui pour moi a vraiment peiné à convaincre hier soir alors que c'est un des groupes qui tourne sur des plus grosses scènes que les autres groupes Complètement. précédemment cités. Et par contre, en clôture de cette soirée, à moitié de tour, à moitié pas de tour, qui tourne sur des grosses scènes, qui n'a pas du tout peiné à convaincre. Non, bah on a pris une leçon, hein. C'est bonjour, on est les patrons, on est là depuis 30, enfin 20 balais au moins maintenant. À Et 25, puisque là, ils 25, célébraient ouais, les c'est 20 ans ça. du deuxième album. C'est ça, 25 ans, 25 ans, et puis ils sont venus nous rappeler que c'était eux les chefs, quoi. Il y avait ceux qui jouaient dans le bac à sable avant, avec toute la sympathie qu'on a pu dire d'eux, et Chronos sont arrivés sur scène, ils ont dit, bon, bah voilà, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, Chronos, on a le batteur qui est prof de batterie d'un paquet de batteurs, logique, mais du coup qui a été prof ou prof par filiation des batteurs qui sont passés hier soir Ouais, sur la scène c'est du ça. 37e. Et Richard, guitariste, prof de gratte également, qui a coaché ou par extension fait coacher la plupart des icos qui sont passés sur la scène hier soir. Donc c'était assez rigolo à observer, effectivement. Grosse remise à l'heure de Chronos. Nous, on les a vus il y a un peu plus d'un mois sur la scène du Chronos qui Muscadès. remet à l'heure. Tu sors. Non, mais c'est toi qui l'as fait, hein, c'est pas moi. Mais c'était pas fait exprès. Chronos qui remet leur. Oh putain, ça aurait pu être moi, c'est vrai. Ouais. Voilà, ils ont joué un set un peu plus long qu'au Muscadès avec un morceau bonus. Et grosse patate, grosse joie d'être là et puis grosse branlée. Ouais, bah par rapport au Muscadès, en fait, la seule différence, c'est que ils ont pas mis deux morceaux à retrouver leur marque sur scène, quoi. Ils étaient chez eux déjà dès l'intro, ils étaient sur place et c'était terminé, quoi. Enfin, tout le monde était là et surtout on sentait que, à l'instar d'autres groupes comme AO et tout ça, tout le monde était, ils étaient contents d'être là, quoi. Ils sont vraiment, on sent qu'ils ont un plaisir de ouf à être sur scène. La communication, pareil avec le public. Enfin, ils étaient, alors en terrain conquis, clairement, parce qu'il y avait vraiment des die-hards qui étaient là, les gros fans qui étaient devant la scène en train d'hurler les paroles. Mais à côté de ça, terrain conquis, mais ils n'ont pas peiné à conquérir ceux qui connaissaient pas, quoi. Dans le doute, c'était Voilà. complètement ça. On passe à la suite? On enchaîne? Le régisseur général enchaîne. Hein? On met la musique et on parlera après. On va présenter les groupes après, parce que ça fait déjà 10 minutes de blabla. On va faire une petite pause musicale et puis on présentera les deux nouveautés juste après. Voilà, on se fait gronder par le régisseur général. C'est parti!

La suite, doublette française encore à venir. Deadfuck, Kibosh, voilà des groupes qu'on vous a déjà présentés. Deadfuck, on est sur du grindcore qui nous vient de Lyon. Ils nous sortent là leur premier album studio. Pareil, une vingtaine de minutes pour 12 titres. Une pochette, un artwork plutôt sympa. Valeur chère, c'est le nom de leur effort studio. Une sortie sur le label qui donne pas mal de visibilité à un France Black Death Grind. Et ensuite, Kibosh, on s'écoutera le morceau Clenching Teeth, extrait de l'album It All Feels Like Knives, de l'EP, pardon. Et Kibosh, on va en parler juste après avec les annonces... non, les annonces de concert. Non, c'est déjà passé Kibosh, c'est déjà venu à Tours avec Coldron. Voilà, il faudrait que je me mette à jour. Deadfuck Kibosh, c'est parti. Yeah. 22h07 à la pendule de Radio Béton, on attaque le dernier créneau de l'émission de ce soir avec tout d'abord les annonces de concerts sur tour. Des annonces de concerts qui nous parlent pour l'ensemble du mois de novembre. Et c'est parti ! Eh bien, on commence par une date, du coup, le lundi 13 novembre, une soirée Catharsis, comme à son habitude sur le thème du Black Speed et du trou heavy metal. Evil Cult, une formation de Black Speed brésilienne qui s'est formée en 2016, qui joueront avec Grave Dancer de Sao Paulo. Également une formation assez récente de 2020 qui nous propose du Black Speed. Oh bah ça alors. Personnellement, j'ai pas fait mes devoirs, donc j'ai pas du tout écouté ce qu'ils proposent, mais en tout cas, ce sera donc le... Voilà, il y en aura forcément. J'espère qu'il y aura un peu de reverb aussi. Une soirée donc de Catharsis, le lundi 13 novembre, c'est 19h, c'est au Canadian comme d'habitude. 5€ à l'entrée, 8€ prix conseillé pour pouvoir aider l'association à vivre correctement, mais 5€... Si vous avez un petit budget, vous êtes les bienvenus. Voilà, petite soirée Catharsis, comme d'habitude. Exactement. Et dans la même semaine, nous avons le dimanche 19 novembre, bon, ça se renifle un peu le cul, hein, sans trop de surprise, une soirée Something for the Young, for the Youth, pardon, avec changement radical d'ambiance, même si c'est toujours au Canadian, toujours pour 19h. Puisque là, nous retrouverons Wrong Man, qui nous vient de Belgique. On est sur du punk hardcore un peu noisy. On retrouve dedans des membres de Rise and Fall, Oathbreaker, etc. Donc voilà, Wrong Man, ça promet une prestation soignée et très pro. Voilà. Et Water Tank, ensuite, là on est sur du post-hardcore qui nous vient de France, en absolument aucune objectivité, voilà, un des meilleurs crossovers rock et post-hardcore. Voilà donc, ce sera de passage le dimanche 19 novembre au Cana, pareil, 5€ de base, n'hésitez pas à donner un peu plus si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Derrière, une date black metal, ce sera le 24 novembre également au Canadian, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, c'est au Canadian. On aura donc le groupe de black metal Jour Pâle, groupe signé Les Acteurs de l'Ombre, qui propose du black metal. Bon, moi, j'ai pas plus accroché que ça au projet, mais ça reste très bien fait quand même, hein, ça reste très solide, c'est une valeur sûre, Acteurs de l'Ombre. Allez, écoutez si vous voulez vous faire un avis. Avec eux, on aura Skaphos, je ne connais pas du tout, c'est du Black Death qui nous vient de Lyon, et Mania... Tu connais pas du tout ? Non. Bah, Révisité Classique, parce qu'on les a diffusés, Skaphos. Oui, bah, c'est possible, j'ai pas écouté. Je veux pas le savoir. Bah si, t'as écouté, on les a diffusés. Du coup, tu veux en parler ? Oui. Non, c'est bon, c'est fait. Putain. La dissidence ce soir est compliquée à gérer. Ah oui. Accompagné avec Mania, un groupe de Death Black Crust qui nous vient de Dourdan. De quoi ? Dourdan. Très bien, ça a l'air très intéressant ça. Tout à fait. Ça existe sur une carte ? Sûrement. Très bien. J'ai aucune idée de où c'est. Voilà, c'est une soirée signée Artères Souterraines, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Tout à fait, c'est Artères Souterraines, c'est 5€ à l'entrée, 7€ ou plus, pareil, si vous avez un petit peu de soutien à donner à l'association. Je suppose 19h au Cana, j'ai pas l'heure, 19h au Cana, c'est ça. Et voilà, bon, c'est vrai que c'est un petit peu frais pour la saison, mais n'hésitez pas à planter votre tente, puisque le lendemain, une autre soirée Something for the Youth, le samedi 25 novembre, une soirée hardcore avec au programme Eurydice et Citrus, pareil, hein, 19h, 5€ minima. Eurydice, c'est une formation lyonnaise de Blackening Hardcore, qu'on vous a diffusée plus tôt dans l'année. Voilà, des jeunes edge metal très inspirés par le beatdown ricain et des ambiances bien blackening par-dessus. C'est ultra vénère et ça passe tout crème. Citrus, ensuite, punk hardcore qui nous vient de Montpellier. Voilà, des jeunes couteaux qui s'inscrivent vraiment dans la lignée des récentes formations ricaines telles que Spy ou Gel. Voilà, ça va bien cogner. Et ce sera donc le samedi 25 novembre au Cana, soirée Something for the Youth. Pareil, à partir de 5 balles et jusqu'à ce que vous pouvez pour soutenir l'asso et les groupes. Je crois que c'est tout bon pour le mois de novembre. Eh ben, c'est déjà pas mal. Retour à la musique avec l'avant-dernière doublette de ce soir, Numidian Killing Machine. Psychotronic Breakdown, c'est une nouveauté. Quelqu'un peut en parler, s'il vous plaît, j'ai pas révisé. Bah on peut, on va un petit peu présenter ce groupe qui nous vient d'Algérie, ce qui est quand même assez original. Qui nous sort là son tout premier album. Alors c'est du, c'est un mélange en fait entre du métal extrême et des influences trash speed, avec une approche plutôt moderne. Hein, c'est pas un truc trop rétro, old school, resté bloqué 40 ans en arrière. À noter, le vocaliste de session n'est autre que Redouane de Lelael, donc des plus réputés groupes de métal algériens, qui fait les vocalises sur ce premier album. Donc Numidian Killing Machine, c'est vraiment une très bonne découverte pour nous. Ça joue, c'est technique sans être trop démonstratif. Il y a vraiment, au niveau des riffs notamment, c'est très très intéressant. Et après ça, on va s'écouter un groupe de black polonais qui s'appelle Manbrind. Alors là, on est vraiment la scène black polonaise, très très qualitative. Hein. Sans surprise, c'est un petit peu dans la lignée d'un Mgwa, vraiment très très bien joué. L'album s'appelle Interregnum. On va s'écouter le morceau Potrupa Kuniebu. Et juste avant ça, Gateway to Inner Chaos de Numidian Killing Machine. Et je parlerais aussi bien finlandais si j'avais ton talent. C'est parti! Yeah. vortex of confusion. Your conscience soon ascends to a plane of altered reality. On passe ensuite donc à la dernière doublette dans l'émission de ce soir. Un groupe tout d'abord qui nous vient du Pakistan, qui s'appelle Destruction, à savoir Tabahi, dans leur langue du coup de la région pakistanaise de laquelle ils sont originaires. Tabahi nous sort son premier album studio longue durée, Trash for Justice. Forcément, il y a beaucoup à dire pour un groupe qui vient du Pakistan et qui s'exprime par la voix du métal extrême. Politrix, Survivor Die, Fatal Torture, etc., etc. Bon, sachant que leur première démo s'intitulait très sobrement Fatwa. Voilà, beaucoup de sujets d'actualité défendus dans cet album de trash. Ils ne sont que deux, forcément une batterie soutenue par une boîte à rythme, un peu linéaire sur les parties de batte. Et voilà, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de diffuser un groupe qui vient du Pakistan. A noter que le groupe sera en Europe au printemps prochain, donc voilà l'occasion d'aller les découvrir sur un événement ici ou là. Et on clôturera l'émission de ce soir avec Moonlight Sorcery, du Black Mellow qui nous vient de Finlande. Ils sortent là leur premier album studio, On Lord of the Thorn Castle. Ce premier effort studio longue durée est disponible depuis la fin du mois de septembre. Fireburn the Horizon, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite. Et juste avant ça, Kingpin, le titre de Tabahi. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. N'oubliez pas la foultitude de concerts qu'on vient de vous annoncer dans les semaines à venir. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission en différé. Ciao, ciao. Yeah.